présenter. Ah ! Vous étiez étudiant l'an dernier ? Oui, j'étais étudiant, oui. Vous avez fait les manifestations ? Non, pas du tout, non. Volontairement ? Oui. Et pourquoi ? Parce que ça m'intéressait pas. Vous pensez qu'elle n'était pas juste ? Bah non, j'ai rien à dire dessus. C'est personnel. Est-ce qu'à votre avis, il y a un lien entre le fait qu'aujourd'hui, vous soyez Service National Police et peut-être CRS demain, et le fait que vous n'ayez pas fait les manifestations il y a un an ? Bah disons, oui, j'avais l'intention de rentrer dans la police. Puis du fait, c'est pour ça que je n'ai pas fait les manifs, là. J'étais pas du côté des étudiants. De quel côté vous étiez ? Bah disons, du côté de la police. Enfin, j'ai plutôt... C'est comme ça, puis c'est personnel, je ne m'entends rien dire. Fin de la journée, retour en famille, papa CRS, maman au foyer et les enfants qui rentrent du collège ou du lycée. On dégosse, c'est anonyme, on fait son métier. Bien sûr. Si on tombe sur les siens, qu'est-ce qui se passe ? Bien écoutez, monsieur, moi j'estime qu'un fonctionnaire de CRS n'a pas besoin de se poser ce type de questions. Agissant en unité constituée, dans un cadre légal, ma foi, lorsque l'ordre de charge est donné, vous savez comment ça se fait, vous avez vu comment ça se passe au cours de la journée, vous avez vu comment ça se passait. Eh bien, lorsque l'ordre de charge est donné, ma foi, nous agissons dans un cadre légal, nous n'avons pas à tenir compte des personnes que nous avons en face de nous. Est-ce que ça vous satisfait quand même ce que disent vos enfants sur Malik Oussekin ? C'est-à-dire, votre fille, elle a fait grève. Elle a dit que c'était pas normal. Ma fille n'a pas fait grève. Ma fille n'a pas fait grève. Elle a subi, ma foi, la grève de ses professeurs. Elle a subi la grève de ses professeurs. Alors, c'était les profs qui faisaient grève ? Hein ? Non, c'est les élèves. C'était une journée organisée déjà bien à l'avance par des étudiants. Et on a participé. Oui ! Restez alignés ! Les CRS sont issus à l'origine des groupes mobiles de réserve, qui étaient la force de police de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy. À mon avis, dans le bon vieux CRS-SS, on peut trouver un amalgame entre le CRS qu'on raccroche un peu à ces forces de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy et les autres, ceux qui nous occupaient à l'époque. Le CRS, c'est un empêcheur de tourner en rond. Le CRS, c'est celui qui cogne. Le CRS, c'est celui, quand on veut manifester, quand on veut revendiquer, qui vient empêcher qu'on revendique en paix. C'est l'empêcheur de manifester en rond. Monsieur, bonsoir. Contrôle de police. Hein ? Contrôle de police. Pouvez-vous me présenter vos papiers, s'il vous plaît ? Vous avez d'autres papiers que ça, monsieur ? Vous avez d'autres papiers ? Pas valable, ça. S'il n'a pas d'autres papiers, il y a de fortes chances qu'il soit en situation irrégulière. L'homme va être embarqué pour vérification d'identité. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de papier, montez. Pas papier. Eh bien, s'il n'y a pas papier, retour en Roumanie. Ok, monsieur ? Alors, on se tait. Police, on se tait. On se tait ? On ne dit rien. Donne ta main. On n'a rien fait, vous nous avez agressé comme ça. On vous a agressé ? Monsieur, vous m'avez non. Dit, j'ai rien fait. On a, mais c'est pas une agression. J'ai fait, non. C'est, attention. J'ai pas de malentendu. C'est pas une agression. C'est des techniques de police. C'est les techniques de police pour maîtriser quelqu'un. Est-ce que vous avez l'impression que l'image des CRS change ? Tout à fait, oui, elle change beaucoup ces derniers temps, notamment dans les quartiers difficiles, hein, où bon. Il y a de plus en plus de gens qui nous disent bonjour, il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui osent venir au contact, quoi, puisqu'on n'est plus cantonné à cette mission purement en maintien de l'ordre. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup investi dans les quartiers difficiles, au cœur des centres-villes où il y avait des problèmes de délinquance. Par contre, où ça devient difficile, c'est que les gens supportent de moins en moins d'être contrôlés, quoi. Donc des fois, il y a des dissensions vives sur le terrain. Ouvre, respire. Tous les exercices visent à s'assurer de la cohésion du groupe. Voilà. La force des CRS, c'est leur unité. Faut pas attendre 6 mois, hein, sinon l'effet de surprise, il n'y en a plus. Hein. Pendant des heures, chaque exercice va être répété sans relâche. Et les gars, qui vous a donné l'ordre d'interpeller l'individu ? Non, l'autorité, c'est le chef de section. C'est le groupe Sarli. Ok ? Allez les gars. Ça va les gars, il vous manque personne ? Eh oh ! Il vous manque personne là ? Il vous manque personne ? À la fois, le chef il est par terre, il va mourir. Et vous partez, vous le laissez tout seul quoi. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué ? L'individu à interpeller passe après la sécurité des fonctionnaires. On ne peut pas tous les jours être un héros, c'est Goethe qui l'a dit. Il a dit on ne peut pas tous les jours être un héros, mais il a dit on peut toujours être un homme. Vous avez été, on a été, nous avons tous été là des hommes. Et vous allez voir, ça ne sera pas toujours la guerre les CRS. Il y a des fois où vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi ? C'est pourquoi vous êtes là ? Pour servir ! Plus fort ! Pour servir ! C'est bien. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ? That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done, man, attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust him out the park. I know this for a fact, you don't like how I act. You be doing that, I'd rather say see ya, cause I would never be ya. Be your officer, your wicked overseer. Your hot shot, wanna get props and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease. Getting hyped to the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. There's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Take the word overseer like a sample. Repeat it very quickly in a crew for example. Overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, officer. Yeah, officer from overseer. You need a little clarity? Check the similarity. The overseer rode around the plantation. The officer is on patrol in our nation. The overseer could stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you're fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police, them have a nickel gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day, just so they can run the light and be upon their way. My grandfather had to deal with the cops. My great-grandfather dealt with the cops. My